rentrer. Les trains de banlieue ont des valises sous les yeux. Quand je grimpe dedans, je me sens devenir vieux. Ils sont trop lambineux, il faudrait que ça pulse un peu. S'ils pouvaient être un peu moins polis, me faire rire, me raconter leur vie, avoir dans leurs horaires un début de folie. J'aimerais tant qu'il y ait la fête, un peu de rouge, on joue de toutes ces têtes, moins de regard de travers à travers les lunettes. Les trains de banlieue ont des valises sous les yeux. Quand je grimpe dedans, je me sens devenir vieux. Ils sont trop lambineux, il faudrait que ça pulse un peu. C'est le carnaval dans la banlieue. Ici tous les passagers sont joyeux. On danse pour ne pas devenir vieux. C'est carnaval de banlieue. C'est le carnaval dans la banlieue. Ici tous les passagers sont joyeux. On danse pour ne pas devenir vieux. C'est carnaval de banlieue. Mais les trains de banlieue ont des valises sous les yeux. Quand je grimpe dedans, je me sens devenir vieux. Ils sont trop lambineux, il faudrait que ça pulse un peu. Je voudrais faire danser le type du contrôle, tirer de son panier ce chat qui miaule, lire le polar de cette blonde par-dessus son épaule. Cette fille assise près de la fenêtre, pourtant je crois bien la reconnaître, mais elle me regarde bêtement et puis elle m'en repère. Les trains de banlieue ont des valises sous les yeux. Quand je grimpe dedans, je me sens devenir vieux. Ils sont trop lambineux, il faudrait que ça pulse un peu. C'est le carnaval dans la banlieue. Ici tous les passagers sont joyeux. On danse pour ne pas devenir vieux. C'est carnaval de banlieue. C'est le carnaval dans la banlieue. Ici tous les passagers sont joyeux. On danse pour ne pas devenir vieux. C'est carnaval de banlieue. Tout le monde s'embrasse, gare de Lyon, tout le monde